Le soleil au moto, le soleil au moto, le soleil au moto, le soleil au moto, l'argent au moto, l'argent au moto, l'argent au moto, l'argent au moto, le soleil au moto, le soleil au moto, le soleil au moto, le soleil au moto, l'argent au moto, l'argent au moto, l'argent au moto. L'argent au moto, Let's go.